spectacle. C'est fou, 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Sébastien, F. Gartin et Myriam Lortie du Zone Campus seront avec nous pour parler d'actualité. Et Stéphanie Parazel réalisera des phrases connues dans sa plus simple expression. Assemblage requis commence tout de suite. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce mardi 28 octobre 2014. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. On est en direct des studios de Cifo à Trois-Rivières. Steph, hier, c'était le retour de l'improvisation à la huître. Il était parti où? Il était parti en congé d'Action de grâce, petite semaine de relâche. D'Action de grâce? C'est, ça fait trois semaines qu'il n'y a pas eu de match. Tant que ça, je te le jure. Comment ça? C'est le match régulier. Ça fait au début de la session, c'est match spécial, match régulier, Action de grâce, pas de match. Ouais. Semaine de relâche, pas de match. L'autre semaine, à la fin de la semaine, c'était genre la lutte feutrée. Puis là, on était de retour avec un vrai match. Donc, trois semaines, littéralement, entre deux vrais matchs. Mais on était de retour hier. C'était bien le fun à la huître. Là, ce soir, c'est la lime qu'on va aller voir. On en oui, reparlera tantôt. Oui, c'est clair. C'est génial. Ce matin, tellement veillé tard hier, genre, à matin, je me suis levé à 7h. Mettons, on est à 7h moins 4, OK? Puis après ça, je me sentais encore fatigué, fait que je suis retourné me coucher, genre, faire des snooze jusqu'à genre 7h10. Genre, je pars à 7h13, tu sais, de chez. Mon Dieu, c'est tellement ridicule. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. Ridicule. Ridicule. Mais c'est ça l'oreiller que t'as dans la face encore? C'est à peu près ça. Veux-tu savoir ce qu'est l'émission d'aujourd'hui? Ouais. Si ça te dérange pas trop, je vais t'en parler quand même. À 8h, on va avoir quelqu'un du Bac Vert pour parler de la semaine de moins de déchets. Genre. Recyclage. En ville sans mes déchets, comme on appelle. Ensuite, à 8h30, Myriam Lortie du Zone Campus. Oui. À 9h, c'est la plus simple expression avec toi-même. Moi? Mais là, ça va être le moment de commencer l'émission avec Sébastien F. Gartin, qui se situe juste par là. Pour les gens à la radio, c'est par là. Oui, c'est super clair. Ça va bien? Ça arrête pas d'être clair. Mais t'avoues, c'est tellement clair comment tu dis que même moi, je me retrouve pas. Veux-tu un autre snooze? Veux-tu un coup de mon oreiller? Ouais. Ça va être le moment de l'accueillir pour sa chronique éditoriale qu'on appelle comme ça subtilement, sans trop que ce soit officiel, le bulletin Gartin. Bonjour Sébastien F. Gartin. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour Stéphanie Paradis. Hey, hey. On se trouve notre famille le matin. Ça a l'air à ça, ça a l'air à ça. Aujourd'hui, je ne sais pas encore de quoi tu nous parles. C'est dans le journal qui sort tantôt, fait que je ne l'ai pas encore vu. T'sais. Surtout que tu ne fais pas le montage du journal en question. Je fais le montage, mais c'est juste des morceaux. Je ne lis aucun mot. C'est bien qui sort, ça. C'est bien que je ne sais pas lire. Oui, non, c'est bien ça. En me regardant, ça explique plein de choses. Ouais. Mais cette semaine, je vous parle d'étudiants internationaux. Ah ouais. Plus particulièrement de coûts des étudiants internationaux. En fait, de coûts d'un frais de scolarité des étudiants internationaux. La violence envers les étudiants internationaux dans les coûts. Dans les coûts, ouais, c'est ça. Je pensais que c'était les coûts de téléphone. En fait, il y avait, parenthèse comme ça, il y avait... Ça commence bien. Tu peux pas de parenthèse, t'as même pas rien commencé d'autre. Ben, en fait, c'est que ça va me permettre de pitcher d'autres choses, mais ça vient de me penser. Il y a un économiste très, très de gauche qui est, pour ceux qui lisent Le Voir, en fait, qui le lisait il y a quelques mois, Yannick Marcil, qui est, comme je disais, un économiste très, très engagé, qui disait pendant le conflit étudiant en 2012, il appelait ça de la violence économique. Ah. Lui, il est en train d'essayer de partir un peu d'une théorie de ça, de violence de type économique, dans le sens que tu t'intimides un groupe en modifiant certaines conditions économiques de leur vie, puis ça leur fait violence. C'est intéressant. C'est intéressant parce que, justement, je vais parler, en fait, de, quand je disais de coûts, c'est en fait les frais de scolarité des étudiants internationaux.

Ah, c'est ça, les Québécois. Ça se plaît déjà que l'hiver a fini pas puis n'est même pas encore commencé. Eugène Cheval avec la chanson Invincible. Au retour à la semaine de réduction des déchets avec le bac vert à Assemblage Week. Et plus tard, on a Myriam Lortie et sa plus simple expression. Fait que restez là. Genre, je parle comme si vous étiez mes chums. T'sais. Fait que genre, restez là. Yo, bro, dude. You know? Ben, je reste là. OK, c'est correct. Fou de diversité. C'est Fou 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bon retour, c'est toujours à Assemblage Requis. On est toujours mardi le 28 octobre. Rocktober, et elle, c'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Rappelle-moi jusqu'au dernier jour. Il y en a 31 dans ce mois-ci. 28, 29, 30, 31. Il nous reste 4 jours pour dire Rocktober le plus souvent possible. Après ça, on n'en parle plus. Rocktober, Rocktober, Rocktober. Tu sais, Stéphanie, c'est la semaine de la réduction des déchets en ce moment. Là, là. Là, présentement. On dirait que pendant qu'on se parle, c'est là que ça a lieu. T'sais. Et on reçoit Sébastien Hainaut. Du bac vert pour en parler un petit peu. Bonjour à toi. Hey, bonjour. Hello. I can't get no satisfaction. juste pour en faire la même blague l'année passée parce qu'on t'a reçu l'année passée aussi. En plein ça, deuxième fois. Très heureux, merci encore. Mais ça me fait plaisir de te recevoir et Stéphanie pour la première fois. Donc, ben oui. Une première à tout. Hein? Ben exactement. Donc c'est la semaine québécoise de réduction des déchets en ce moment. C'est jusqu'au 30 octobre, c'est donc jusqu'à vendredi ou genre quelque chose comme ça. En plein ça. Donc nous, on va être situés juste à côté de la bibliothèque, à l'ancien local pour les plus vieux, la vente d'agenda de l'AGE. Ce qui est clôturé. Là. En plein ça. Donc maintenant, c'est ouvert aux associations de troisième niveau. Donc, le bac vert et l'association environnementale au campus, donc de troisième niveau. Donc, toute la semaine, on va être présent pour donner des petits défis, impliquer les universitaires dans leur réduction des déchets, puisque la semaine dernière, c'est la semaine québécoise de réduction. Nous, on a créé pour cette deuxième édition la semaine universitaire de réduction des déchets. Ah, OK, la différence entre les deux. C'est bien, ça. Ben oui. On y a pensé. Et là, c'est la deuxième fois que vous faites ça, vous, au niveau du QTR. Oui, en plein ça. OK. Quel genre d'activité est-ce que vous avez proposé? Tu disais qu'il allait en avoir. Dans le fond, c'est des activités spontanées. Okay. Les gens passent dans leur quotidien, aller à leur cours, à la cafétéria, à la bibliothèque. Nous, on les interpelle, on les fait rentrer dans le local. Il y a du café gratuit. Hey, toi, il rentre. Surtout à cette heure-ci, très pratique. Donc, donc, on les interpelle, on leur donne des petits défis, on les informe, on leur demande le sujet qui leur intéresse. Puis ensuite, on essaie avec eux là, de pouvoir faire en sorte de mieux coordonner leur vie pour qu'ils puissent réduire les déchets. Exact. Et corrige-moi si je me trompe, mais je pense que vous avez un petit focus principal particulier cette année sur la consommation d'eau. Oui, en plein ça. Donc, c'est déjà depuis 3 ans qu'on agit ici à l'université. On devient de plus en plus important, de plus en plus de bénévoles, de plus en plus de membres à l'association. Donc, justement, la réduction des bouteilles d'eau, c'est quelque chose qui a été très suscité l'intérêt à l'intérieur de notre groupe. Donc, depuis plusieurs années, on essaie de faire des pressions pour que les bouteilles d'eau ne soient plus présentes sur le campus. Est-ce que vous voulez les bannir? En plein ça, parce qu'on s'est rendu compte avec notre sondage l'année dernière que les bouteilles d'eau n'étaient pas nécessairement quelque chose que les étudiants préféraient ou ils l'achètent, mais parce qu'elle est présente, un peu par un... pas par une paresse, mais un peu par principe que s'ils passent devant puis ils l'ont, ils vont le prendre, mais s'ils l'ont pas, ils le prendront pas. Okay. Là, on parle des bouteilles d'eau, mettons, de Dasani qui sont vendues à la cafétéria. En plein ça, de Coca-Cola, mettons. En plein ça. Okay. Ouais. On parle pas des bouteilles d'eau réutilisables, parce que ça, c'est évidemment non, encouragé. Non, en plein, c'est ça. Comme ça, on peut remarquer, juste ici, au pavillon, nous avons une buvoir qui a la capacité d'accueillir des bouteilles d'eau. Oui, ça, c'est merveilleux. Oui, t'as pas voilà. besoin de la pencher, fait que tu peux la remplir vraiment à rebord. En plein ça. Parfait. Sauf que le problème reste toujours dans les abreuvoirs, buvettes et autres réceptacles à liquide froid transparent. À eau. Il n'y a pas à vodka, me semble. Il n'y a pas ça. À bière, on y pense, mais on n'est pas rendu là. Mais le problème est encore le fait que les gens... En tout cas, moi, la raison que je n'utilisais pas avant d'avoir un filtre dans ma bouteille, c'est que le goût de l'eau est vraiment mauvais à l'UQTR. Je pense qu'il faudrait qui travaille sur les tuyaux de l'UQTR pour donner une eau meilleure au goût. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Ça goûte le tuyau. Par contre, pour l'instant, nous avons les installations pour accueillir toutes les sortes de remplisseurs avec bouteilles d'eau inclus, puisque les autres ne sont pas bigisés. et qu'on n'est pas nécessairement anti-écologiste. Nous attendons que les autres brisent pour pouvoir poser les nouveaux. C'est ça. Fait que si jamais quelqu'un veut vargeter avec une masse... Par hasard, en passant, là... Mais ça, on n'encourage pas ça. Ou là. Tout autre objet. Un coup de pied, ou peu importe. on parlait d'eau, on a parlé de café gratuit. Ça, vous allez en donner. Mais il y a plusieurs autres thèmes qui vont être abordés entre du 28 au 30 octobre, donc ça commence aujourd'hui. C'est la réduction de consommation, la réutilisation, le recyclage, le compostage et le vermicompostage. En plein ça. Qu'est-ce que c'est, toutes ces... les premiers, on comprend, mais qu'est-ce que le vermicompostage? Le vermicompostage, c'est très simple. L'année dernière, on a fait une activité pour construire votre vermicompost. Qui consistait à ceux qui étaient présents à un bac de terre avec un bac très simple de plastique qu'on a percé des trous pour faire aérer, pour laisser la terre être en bonne composition. Et on a inséré des verres. Okay. Des verres de terre, pas standards qu'on trouve dans notre jardin, mais quand même accessibles. Des verres qui mangent beaucoup de déchets. Donc, ces verres-là, ensuite, on met des déchets ou qu'on a créé un PowerPoint, un guide, des clés en main pour que les étudiants puissent savoir quoi mettre à l'intérieur de leur vermicompost. OK, on met pas le PowerPoint dans le compostage. On pourrait, non. Tu le fais imprimer sur du papier. Tu le fais comme ça. Donc, vermicompost, très simple, la terre, un peu de papier, des verres. Tu mets les bons articles au bon moment, tu le mélanges de temps à autre. Tu mets ça dans ton appartement, nous dans les membres, puis toutes les vingtaines d'étudiants qui étaient présents ont tous laissé ça dans le coin de leur appartement, près de leur porte. Ils font juste le remuer un peu à chaque semaine et les déchets sont détruits automatiquement par les verres. Donc, c'est le genre de truc qu'on veut offrir là, aux étudiants qui sont intéressés. C'est comme avoir un pot de fleurs, pas de fleurs. En plus, c'est vivant. Tu peux même regarder les verres, avoir une passion pour les verres. Mais c'est le fun, ça. En tant que ton chat s'en sert pas comme litière. Ouais. Mais ils sortent même pas, ils sont dociles. Okay. Imagine donc. Et parlant de vermicompostage, j'entends dire qu'il y aura un tirage pour faire encore plus connaître le vermicompostage, de les faire tirer un en ensemble, si je comprends bien, de vermicompostage. Ah, c'est cool. Oui, ça. Donc à quiconque qui veut s'intéresse au vermicompost, je vous invite à passer à notre local et à prendre un billet de tirage. Nous avons des restants de notre dernière session, justement, qu'on en a fait. Donc, il est à tirer un vermicompost complètement gratuit, une valeur, je vous dirais, d'une vingtaine à trentaine de dollars qu'on va faire tirer. Génial, ça. Mais sinon, si vraiment on s'intéresse, c'est qu'on gagne pas, c'est quand même abordable si on veut commencer à faire ça. Là. En plein ça, puis nous, on est là pour encadrer là, la personne qui va le gagner ou même toute personne... qui veut savoir comment en avoir un ou comment s'en procurer un. Nous, on sait déjà quoi acheter, on sait combien ça vaut, on sait comment le trouver. Ouais. Donc, on a aussi des verres. On s'entend, là? C'est dans votre local, vous avez... Pas présentement. Okay. Ben, c'est très facile, là. On a tous des verres chacun chez nous. C'est un peu stupide à dire. Mais on a des verres chez nous. Est-ce que ça se multiplie par eux-mêmes? Oui, c'est ça qui est intéressant. Donc, tu peux faire l'élevage et ensuite redistribuer tes verres. C'est comme des petits poulets, mais ça se mange comme moins. Tu peux pas juste les couper en deux et les multiplier. Ça, c'est un mythe, cette histoire-là, que ça se multiplie en deux. Hein? C'est ça? Non, ça marche pas, ça. Je sais pas, on peut peut-être essayer avec toi, voir si ça fonctionne, et après, on essaiera sur les verres, quand même pas les blesser. Live assez fou. C'est une première, c'est aussi, hein? Oui, je pense que oui. De toute façon, t'arrêtes pas de te vanter que t'as un gros verre. Gluant et sans vertèbre. En tout cas, rip for her pleasure. Donc, on a parlé de votre local. Oui. Parce qu'en tant que tel, là, vous empruntez un local de troisième niveau qui est offert par la GEQTA. Est-ce que vous avez un bureau attitré en temps normal? Non, en plein ça. Donc, c'est une problématique qu'on avait relevée à l'aide du comité. Qu'on était une association dynamique, mais on n'avait pas d'endroit ou d'endroit physique pour les étudiants. Vous avez un bac dans lequel vous pouvez mettre un pied à la fois, ça commence à être long. On est quand même une dizaine, à part des bénévoles. Donc, on a fait pression, on a fait savoir notre intérêt. La GE a vu qu'on était un groupe dynamique qui faisait déplacer de l'air. Donc, on a ouvert, grâce au comité de l'AGE, un local ouvert à tous les troisièmes niveaux. Oui. Pour cette semaine, il est réservé au bac vert. Ça va être en roulement toute la session. En plein ça. Et on va être là, logiquement, toute la session pour les questions puis pour continuer à faire d'autres activités. Donc, bienvenue à tous. Vous allez voir le local ouvert maintenant. Tout à fait, devant la cafétéria. Tu as dit que vous aviez du succès, que vous déplaciez de l'air. Ben, c'est vrai, parce qu'il y a tellement de monde l'année passée qui a participé à ça que vous avez créé un groupe Facebook de vermicompostage aussi. Donc, les gens qui veulent en savoir plus vont sur Facebook. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Donc, je les invite à aller liker, si on peut prendre l'expression. Mmh. Tout d'abord, l'association Bac Vert, BACC VERT. ou qu'on fait plusieurs posts et ou qu'on interagit beaucoup avec la population étudiante. On est déjà rendu à plus de 200 étudiants en moins d'une année, on est très fiers. Mais on continue à vouloir toucher encore plus la population et ils peuvent nous écrire en privé. On prend nos messages à chaque jour et on peut le rediriger vers le groupe de Vermicompost où on s'échange des verres. Oui. Ça paraît creep, mais c'est le fun. Il y en a qui s'échangent des Pokémon, nous autres s'échangent des verres. En plein ça. Il y a chaque plus réaliste, c'est accessible. C'est ça, c'est la vraie vie, ça. Là. Ouais. C'est comme les Pokémon du vrai monde. Pensez-y, en plein ça. Pensez-y. Ou Naruto, peu importe ce que vous voulez. Alors, c'est la deuxième semaine anniversaire de réduction des déchets à l'UQTR qui a lieu jusqu'au 30 octobre. Donc, maintenant, live en direct là. Présente-toi. Go. Merci beaucoup, Sébastien. Plaisir. Énorme plaisir. Et puis, on te retrouve peut-être l'année prochaine. Ou sinon, tu repasses quand tu veux. Parler de ce que tu veux. Merci. Quand tu veux. Non, égal, la porte est ouverte. Hein? Ben oui. Si on flé barré. Si on parle de ouais, mais on cogne un petit peu. Ou on fait des coucous d'Instar, là. Puis si vous avez l'air fin, on ouvre la porte. Sébastien a cogné avec une petite chanson, je pense. Il faisait un petit ta-ta-ta-ta-ta. Ouais. Ouais, je pense que c'est tellement cliché. Ça a marché. Avec ça. Donc, Sébastien Hénault, merci énormément. Au revoir. Bonne journée. Donc, nous, on va continuer un petit peu à Assemblage Requis. Tantôt, on va avoir une chronique C'est un fait. Ça va être la suite d'hier. On avait commencé, on n'avait pas tellement fait. Après ça, Myriam Lortie du Zone Campus va être là pour faire le tour du plus récent journal. Ça s'en vient dans la prochaine vingtaine de minutes environ à Assemblage Requis. Mais pour l'instant, on écoute une chanson de Debbie Tebbs featuring Mr. Valère. Voici Hop. Comme le bac vert, c'est bac vers le top. Tu sais, genre, bac vers le futur. Ceux-là qui ont fait des jeux de mots avec ça de temps en temps. Ah, c'était Hop avec Debbie Tebbs et Mister Valère à Assemblage Rock. C'est le moment d'apprendre un petit peu, mais pas trop à la fois. Si on veut aller tranquillement, là, c'est la semaine de la réduction des déchets en ce moment. Mais moi, j'en ai bien gros de la marde. Voici, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait, ça c'est immature. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique où on déferle, on démystifie, on défèque. Oh, oh wow! Oh wow, je l'aurais même pas faite celle-là. J'ai fait deux pets dans la chanson, mais j'aurais pas pensé à faire d'effet. À faire un mot. C'était écœurant. Donc, c'est la grève, c'est un fait. On apprend des choses dans la vie parce que c'est comme ça, on est dans une université, il faut apprendre des informations pertinentes. Par exemple, tu connais l'émission Les Anges de la Rénovation? Bien entendu. Ça n'existe plus maintenant, mais ça s'appelait quand même Extreme Home Makeover ou Extreme Makeover Home Edition, dépend de la saison. C'est une émission que les gens aiment regarder encore aujourd'hui parce que la fin est tout le temps super heureuse. Tu sais, ça joue en reprise, je sais pas si c'était Casa ou n'importe quoi. Oui, tu exactement. Tu sens bien parce que quand les gens sont heureux à la fin. T'sais. Mais pas nécessairement. Non? Ils sont pas nécessairement heureux à la fin. Est-ce qu'il y a eu des gens malheureux dans cette émission? Il y a eu pas mal, beaucoup de gens malheureux. En fait, ça met toujours en vedette des familles qui ont des difficultés dans la vie, qui vivent dans une maison délabrée. L'équipe arrive, envoie la famille en vacances payées. Ils ont 106 heures pour construire une nouvelle maison luxueuse. On connaît le principe. Par contre, ce qui arrive à la fin... L'épisode est souvent pas mal plus triste qu'on le pense par le générique et tout le monde qui sourit, puis etc. Mm-hmm. Donc, les constructeurs ont vu la publicité que l'émission, que ceux qui participaient à l'émission recevaient et ils ont commencé à donner de plus en plus leurs services, donc de se proposer pour leurs services. Par contre, ça a créé une compétition. Il y a une compétition qui s'est développée entre les personnes pour savoir qui pouvait construire la plus belle maison dans la limite de temps. Et les familles, à la fin, il y avait des maisons donc super luxueuses avec beaucoup, beaucoup d'impôts et d'utilités et de taxes à payer à la ville, tu comprends? Ouais. Donc, plusieurs familles ne pouvaient pas se permettre ces paiements-là et ont dû perdre leur maison avec le temps. Ouais. Oui, des foreclosures, ce qu'on appelle en anglais. Donc, les producteurs de l'émission disent qu'ils sont au courant du problème, en tout cas, qu'ils étaient au courant du problème à la fin de l'émission. Et plus récemment, ils ont essayé de construire des maisons un petit peu moins, genre, tu sais, show-off ou genre particulièrement prétentieuses. Ouais, ouais. Et des maisons plus fonctionnelles, donc que les familles, dans le fond, pouvaient être heureuses avec ça et pouvoir quand même se permettre les paiements. Mm-hmm. Une chance. Ben oui, ben oui. Les anges de la rénovation, là. Puis la petite corne, des fois, qui dépasse un peu. En même temps, ils faisaient pas ça pour le mal, là, mais pour mal faire, mais... C'est ce que ça donne. Non, mais c'est le genre de truc auquel il aurait dû penser avant. Exactement, parce que c'est quand même assez évident que les taxes vont monter si ta maison est super chère et luxueuse. Il y a une station-service dans le Minnesota qui permet à ses clients de pré-acheter des quantités énormes de gaz pour un très petit frais. Donc, à la place de payer 4$ par gallon, les clients vont payer moins $1 par gallon. Veux-tu savoir comment? Oui. Ouais. Ça s'appelle First Fuel Bank dans le Minnesota où les gens, les clients peuvent acheter un compte à roulement prépayé. Donc avec ce compte-là, ils peuvent pré-acheter de du gaz, de la gasoline en vrac un peu comme dans un Costco. Le Bulk Barn. C'est le Bulk Barn du gaz. Ce qui est aussi le surnom de mon ventre. Le Bulk Barn du gaz. Et donc recevoir un prix à rabais à chaque fois qu'ils remplissent leur voiture. Donc ils offrent les meilleurs prix possibles sans tomber évidemment en deçà de la limite légale du prix minimum donc du Minnesota. Les clients qui vont ouvrir un compte prepaid locked. Ils vont avoir l'option de barrer le bas prix lorsque le gaz est pas cher. Donc, ils vont devoir eux-mêmes attendre que le gaz soit à son moins cher, selon eux, et barrer ce compte-là. Donc, tu déposes de l'argent au prix requis et tu barres ce prix-là pour le futur. Le prix de membre est de seulement 1$ et avec les prix de First Fuel, les gens pourraient payer aussi peu qu'$1 par gallon de gaz. C'est incroyable. C'est First Fuel Bank. C'est un bon concept. Tabarouette. Inimaginable de payer aussi peu cher. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un homme a sauvé 8000 juifs en faisant semblant qu'il y avait une épidémie de ce qu'on appelle le typhus. C'est Eugène Lazovski. C'est pas un nuage, ça? Le typhus. C'est pas un os aussi, le Maximus, le typhus? Donc, Eugène Lazovski a une générosité sans borne. Hein? Mais évidemment, la menace de se faire exécuter. Hein? L'a aidé un petit peu là-dedans. Les actions d'Eugène pendant la Deuxième Guerre mondiale ont aidé à sauver des milliers de Juifs qui auraient été exécutés dans un camp de concentration par les nazis. Lui est né en Pologne, Eugène Lazowski. Lorsque la Deuxième Guerre est arrivée, Eugène, comme plusieurs autres braves jeunes hommes de partout dans le monde, ont décidé de s'inscrire dans l'armée, de postuler, de souscrire, de s'abonner, comme on a dit l'autre fois. Ouais. S'abonner à l'armée, c'est pour un faible bas prix. Donc, il était deuxième lieutenant du train de la Croix-Rouge. Plus tard, il est devenu médecin avec la résistance polonaise. Donc, Eugène Lazowski, avec l'aide de son ami Dr Stanislas Matelewicz, ils ont créé une fausse maladie, le typhus. Et en secret, ils ont éparpillé ça, ils ont saupoudré ça à la population locale, à des civils, donc dans la ville. C'était une fausse maladie. En fait, c'était comme une vraie maladie dans le sens qu'il y avait des symptômes. Mm-hmm. De ce que j'en comprends, il y avait des symptômes quand même, sûrement des petits toussotements. Mais en tant que tel, c'était pas une maladie qui était grave. Ils ont juste dit que pas ce l'était. Pas autant qu'est-ce qu'ils avaient dit. Pas autant, exactement. Donc, cette fausse épidémie-là, elle n'était pas fatale, mais pour les docteurs nazis, ça donnait l'impression que la population entière de la ville avait le typhus. Résultat, les nazis ont mis la ville en quarantaine et environ 8000 personnes juives ont évité d'aller au camp de concentration. C'était donc le résultat de cette fausse épidémie-là. Et Eugène Lazowski est mort en 2006. C'est très brillant comme concept. Fort. Hein? Ils ont fait ça, quelque chose qui ressemblait à ça dans, tu sais, l'émission Dans une galaxie près de chez vous. Oui, oui, oui. Il y avait un intrus dans le vaisseau qu'ils avaient pris en otage et leur façon de se sauver, si c'était... il y avait parti... non, si c'était pas la bonne, je me trompe, avec une fausse... autodestruction du vaisseau. OK, OK, OK. Non, ça, c'était un autre. Mais ça me surprendrait pas que ça ait inspiré des histoires. C'est ça. Ils ont fait un concept où ils ont fait semblant d'être malades et... parce qu'il allait être vendu comme esclave, c'est okay, ça. Okay, donc, il n'y a personne qui veut un esclave malade, bien entendu. Ben non, mais ça ne me semblerait pas que ce soit basé sur cette histoire. Ensuite, tu connais l'ouverture, le générique d'ouverture des films de James Bond? Avec le spot. Avec là? Le spot, ouais, ouais. On voit à l'intérieur de Barry Fusil. Et moi, j'ai tellement aimé cet article-là que je suis allé voir une compilation sur YouTube de toutes les ouvertures de chaque James Bond. Ça durait 12 minutes, c'était fantastique c'est pour mon éducation. Mais moi, ça m'a vraiment intéressé. Donc, le voici, cet article-là. La scène très connue. Des films de James Bond, où James arrive en plein milieu de l'écran et est observé par le baril d'un fusil, donc ce qu'on appelle la Gun Barrel Sequence. Et dans presque chaque film de James Bond, mais pas tous, ça veut dire ça. Non. Pas tous, non. C'est un des aspects les plus reconnaissables de James Bond, avec la chanson thème, bien sûr, qui changeait de version un peu de film en film. Donc cette scène est devenue très célèbre, mais la plupart des gens ne savent pas qu'elle est filmée avec un vrai fusil. Ah? C'est un vrai fusil. En 1962, Maurice Binder... Pardonnez-moi, Maurice Binder, donc en français Maurice Cartable, a pensé à cette idée-là et t'as compris bien. Ben ouais. Et donc a réussi à filmer ça, mais il y avait un petit problème au départ. Il a prévu d'utiliser une caméra qui était centrée à l'intérieur du baril d'un fusil .38 de calibre, mais ça causait des problèmes, il n'était pas capable de focusser. Donc à la place, il a créé une caméra avec un trou, un minuscule trou, donc ça rendait le baril complètement clair. Là, c'est une technique de photographie, là, on filmait, mais enfin, pas de photographie, mais de caméra, on filme à travers un tout petit trou, et bref, ça change la perception. Je connais pas super gros les films, mais quand même. On dit que donc ça a été filmé vraiment à travers le baril d'un fusil. Et si on regarde les versions plus tard de James Bond dans la série, plus tard, à un moment donné, il y en a un où James Bond tire avec son gun, tu sais, parce que tu connais la séquence où on le voit à travers le baril, le sang coule parce que lui tire vers la personne qui tient le fusil finalement. Et il y a vraiment la balle qui passe à travers. Donc ça, je sais pas comment ils l'ont fait, c'est sûrement par ordinateur, là. Mais reste que le reste était filmé dans un vrai fusil. Fascinant. T'as la balle qui arrive dans le milieu, c'est super beau. Allez voir la compilation sur YouTube, ça vaut vraiment la peine. Et j'ai posté sur assemblagerequis.com aussi un article sur Wikipédia sur la Gun Barrel Sequence, donc la séquence du baril de fusil. Super génial, long. À voir. Vraiment très long. Ensuite, long mais intéressant. Tu connais, on reste dans les films, Wilson, le ballon de volleyball dans Castaway à la dérive. Bien sûr. Bien sûr. Sais-tu qu'il avait gagné un prix? Le ballon? Oui. Pour le meilleur objet inanimé. Il y a des prix pour ça. Il y a des prix pour ça. C'était au 6e Annual Critics' Choice Awards en l'honneur de À la dérive, donc Cast Away, un des films les plus... c'est pas ça en français. Seul au monde seul au Québec. T'as raison, oui. C'est Seul au monde. À la dérive, c'est l'autre qui est Sideways avec Paul Giamatti, je crois. J'ai mélangé les deux, j'ai mélangé tout le temps. Je connais pas. Bref, t'as bien raison, donc Seul au monde. Un des films qui avait eu le plus de succès pendant cette année-là, les gens qui votent pour les Critics' Choice Awards ont décidé de reconnaître le talent de cette vedette qui, on va dire, crève l'écran, je pense. Donc, Wilson, le ballon de volleyball, du personnage de Tom Hanks. Il le trouve, il le traite comme un être humain, etc., etc. Il a reçu l'honneur de meilleur objet inanimé pour l'année 2000. Aimé par les fans et les critiques, la performance de Wilson était vraiment mémorable. On a déjà fait un fait sur le fait que Wilson est nommé en l'honneur de la marque Wilson, de ballon de volleyball. Ça, je pense que c'est assez évident. Donc, les Critics' Choice Awards n'ont pas gardé la catégorie meilleur objet inanimé après la sixième édition. Quelle opportunité l'a ratée. Il y a sûrement une lampe à quelque part qui a fait de la maudite bon. La temps. Lampe de Pixar. Genre, tu sais. Enfin, récompensons-la. J'imagine probablement l'Iceberg en cette année. Peut-être. A gagné ça. Moi, je lui donnerais un Lifetime Achievement Award ou plus un Death Time parce que tu sais du monde, mais bon. spoiler, non. Oups, spoiler alert. on va revenir à la guerre, en fait, dans le désordre un petit peu, mais à la guerre. Pendant plusieurs siècles, la famille Zwack, leur liqueur a été très populaire en Hongrie. Leur liqueur, c'est un spiritueux, finalement. Créé en 1790 pour Joseph II, l'empereur de l'Empire romain, cette boisson distincte a été popularisée dans les années 1840 et éventuellement a été adoptée comme shooter national de la Hongrie. OK. Shooter national, ça vaut la peine. Par contre, les choses se sont compliquées pour la famille Zwack lors de la guerre froide. Pour éviter le régime de Staline, la plupart des Zwack ont quitté le pays. Ils sont venus en Amérique du Nord. Et Janos Zwack était le seul à rester derrière. En fait, qui n'est pas resté derrière nécessairement. Non, c'est pas ça du tout. C'est le seul qui avait la recette avec lui. Donc, Bella Zwack, qui en a pris une, lui, pour la famille, est resté dans le pays pour donner au nouveau gouvernement. Voyons, quand je demande même ça. Au nouveau gouvernement de Staline, une fausse recette pour cette liqueur populaire. Donc, après quelques mois, le reste des Zwack ont pu entrer aux États-Unis seulement sur la base de leur formule, de leur liqueur, de leur spiritueux. Et pendant qu'ils étaient au pays, le fils de Janos, Peter, a appris à vraiment avoir beaucoup de succès dans l'industrie des spiritueux. En 88, Peter est revenu dans son pays, qui est la Hongrie, où il a été nommé ambassadeur hongrois aux États-Unis. Donc, tout ça à cause d'une recette de spiritueux, qui est la Zwack Family Liquor. Et tu connais Dave Grohl? Est-ce que tu connais Dave Grohl? Non. C'est le batteur de Nirvana et celui qui est membre principal des Foo Fighters. Ah, d'accord. D'accord. Donc, depuis le début de sa carrière, au début des années 90, Grohl a toujours été respecté. En fait, on dit que dans l'industrie de la musique, c'est un des plus grands talents. Par contre, c'était une légende, même quand il était très, très jeune, avant d'arriver dans Nirvana. Grohl a travaillé dans plusieurs petits groupes. Un de ces groupes-là s'appelait Dane Bramage. J'ai le mot avec Brain Damage, on comprend. Formé en 85 par Grohl et ses amis David Smith et Ruben Radding. Pendant 3 ans, Dane Bramage a sorti 2 démos et 1 album. LP Ice Cream Not Coming Down. Le groupe s'est dissous lorsque, sans avertissement, Grohl a quitté le groupe pour rejoindre Scream, un groupe de hardcore punk. Smith et Redding, les 2 autres membres du groupe, ont essayé de former un autre groupe. Éventuellement, ils ont dû abandonner. Redding a plus tard dit, et je cite, « Après avoir passé plusieurs années avec Dave Grohl comme batteur, c'est facile de penser qu'il n'y a pas aucun autre batteur qui peut être meilleur que lui. Uh-huh. » Comme s'il n'y avait aucun autre drummer. Donc, en plus de ses propres projets, Grohl... À travers avec des artistes comme Nine Inch Nails, Slash, Iggy Pop, David Bowie, Tom Petty and the Heartbreakers et Stevie Nicks. Et justement, je me suis dit qu'on pourrait entendre un petit peu de Dane Bramage. Ah ben oui! Donc voici Ice Cream Not Coming Down dans son âge requis. C'est un fait! Dane Bramage, l'ancien groupe de Dave Grohl de Nirvana, avec la pièce Ice Cream Not Coming Down. La crème glacée ne descend pas. C'est pas ça. Ice Cream, je crie. Oh non! S'il te plaît! Au retour de la collection de campus avec Myriam Lortie. Assemblage requis, restez là. Fou de variété. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis. On est mardi 28 octobre 2014 et c'est Fanny Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. J'ai oublié le Rocktober. Oh non, moi encore. Aussi. Mais moi aussi. On s'habituera jamais. Ça fait juste 28 jours qu'on est en octobre. Là. Ça m'a fait par rentrer. Tu dis qu'il faut un mois des fois avant de s'habituer à quelque chose. J'ai jamais dit ça. Ou c'est deux semaines. C'est supposé être trois. En tout cas, je sais plus. Les théories sont toutes différentes là-dessus. C'est pas bien important. Ce qu'on sait, c'est que quelqu'un qui est habitué, qui a pas eu besoin de 21 jours parce qu'elle est née. Ridicule et précieuse. C'est Myriam Lortie avec la chronique du Zone Campus. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Bon matin. Bon matin. Bon matin. Oui, je pensais que c'était les précieuses ridicules qui commençaient. Là, c'était la pub juste avant. Non, c'était juste votre publicité. Votre émission est dimanche matin à 11h, les précieuses ridicules. Ben oui, on aime ça comme ça. On essaiera d'en reparler à la fin de la chronique, mais je l'oublie tout le temps à date. Donc, Myriam Lortie, qui est rédactrice en chef du journal Zone Campus. On parle du numéro 5 du volume 10, qui est en kiosque du 28 octobre au 10 novembre 2014. Et en couverture, Myriam, on retrouve un bilan de la première année du Café étudiant La Chasse à Sarrazin. Oui, mais en fait, aujourd'hui même, l'année passée, en 2013... Jour pour jour, la là. La Chasse à Sarrazin ouvrait ses portes et servait ses premiers cafés. Alors, on a tout ça à la nouvelle, hein? On sort ça. Le journal sort le même jour, comme si c'était prédestiné, mais on sort tous les mardis de deux semaines. Mais, ben, c'est ça, c'est un petit bilan sur l'année, où est-ce qu'on en est, parce qu'en plus, on sait qu'il y a eu quand même beaucoup de... d'escarmouches un peu avec la GE. Ça a varlopé et autres... C'est ça, mais ben, en fait, tu sais, le fameux conflit du 10%... La Chasse-Galerie leur imposait une taxe, une surtaxe sur les produits de la Chasse-Galerie pour pouvoir les distribuer. Pour ça, c'est encore en attente. Dans le fond, ils attendaient. Ce qui avait été voté au printemps, c'est que... fallait que ce soit des personnes indépendantes qui n'avaient pas encore participé aux négociations qui allaient traiter de ce dossier-là pour voir ce qui allait arriver. Puis là, on attendait un renouvellement des deux parties, finalement. Fait que là, ça devrait, j'imagine, se faire bientôt. Puis, c'est ça. Dans le fond, on a un petit retour sur les bénévoles, les produits, puis tout ça. Oui, c'est ça. Les employés qui sont là sont super sympathiques. Justement? Ils ne sont pas employés. Ce sont tous des bénévoles. C'est vrai, mais ils travaillent là pareil. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ils ont reçu, en fait, La Chasse à Sarrazin, elle-même a reçu une bourse à la 16e édition du concours québécois en entrepreneuriat. Donc, félicitations. Continue dans l'actualité avec la déferlante de demandes de blâme pour le conseil exécutif. C'était la semaine passée, dimanche, en fait, au CA de la GE. Oui, avant hier, il y avait un CA de la GE UQTR. Il y a eu énormément de demandes de motions de blâme. Il y en a beaucoup qui ont été rejetées, mais c'est ce qui retient l'attention de ce CA. Mm-hmm. Autre chose à retenir, c'est que le VP au... attends, je ne veux pas me tromper. Là, aux affaires sociopolitiques démissionne. Oui, une autre démission encore. Il n'y a que ça, on dirait, quand on parle de logistique, tout le temps des démissions. Ben en effet, il y a beaucoup de démissions. Puis le poste de le conseiller, le poste de François Landry, il va être remplacé bientôt. Donc, à suivre dans un prochain Zone Campus. Exactement, on va être sur la nouvelle. C'est le conseiller à l'exécutif, le nom de son poste. Non, je dirais qu'il y a autant de démissions à la GE qu'il y a démissions assez fous. Démission. Le mot de la rédactrice, c'est le tien, bien sûr. Avancer à coups de carotte, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Mais tu sais, là, Mathieu, là, un âne, pour qu'il avance, là, tu y mets des carottes en avant. Oui. Ben mon mot parle du renforcement positif. OK, OK. Tu comprends? Ouais. Tu sais que je suis forte sur le renforcement positif. Oui, c'est ton talent. Ben, c'est merci, promis. C'est un très beau talent. Non, mais pas fait un an en psycho pour rien, moi, là. Ben non, faut bien que ça soit quelque chose, c'est ça, dans le couple et ailleurs. Il y a des problèmes financiers, parlant de controverses à la GE, démissions et autres négativités. Il y a des problèmes financiers, mais c'est une difficulté temporaire. Oui, ben dans le fond, on a une entrevue avec Mathieu Roy, président de l'AGE, qui nous parle, parce qu'on entendait souvent, puis tu sais, justement, en CA ou en AGE, on entendait souvent parler qu'il y avait des problèmes financiers, mais on ne savait pas exactement c'était quoi, qu'on a décidé de creuser sur ce dossier-là. Puis ce qu'on a appris avec le président de l'AGE, c'est que justement, c'est ça, c'est temporaire. L'année passée, il y avait la Chasse-Galerie qui avait quand même un bon déficit qu'on a appris. Ils vendaient à perte leurs produits. Oui, fait que là, ils ont essayé de rétablir ça. Et aussi, c'est qu'ils reçoivent les cotisations seulement deux fois par année des étudiants. Puis là, ils attendent la prochaine en novembre. Donc, apparemment que les difficultés financières seraient entre autres dues au fait que c'est une longue période à ne pas avoir de cotisation. Exact. Maintenant, tu sais, Alice Baudry, qui nous écrit un article avec des mots typiquement français, comme « quack ». Il y a un « quack » autour de la marche de solidarité de Shawinigan. Tout à fait, mais j'ai appris un nouveau mot, puis j'avoue que je l'adore particulièrement. C'est mignon. C'est un petit peu trop mignon, genre, on va dire qu'on parle de dessin animé. Mais bon. Oui, ben là, encore avec la GE, là, coudonc. C'est pas mal l'actualité du campus. C'est ça. Mais c'est ça, on avait parlé de la marche de solidarité pour Shawinigan, on se tient debout, mais on n'était pas revenu sur le fait que la marche qui avait été organisée, il y a seulement 4 personnes qui se sont présentées. Et l'autobus a donc été renvoyé chez lui. Ouais, c'est un problème d'inexpérience de la personne qui a organisé, je crois. Qui a d'ailleurs donné sa démission au dernier. C'est lui qui démissionne. Fait que, c'est ça, on tenait à revenir là-dessus parce qu'on laissait croire qu'il y avait eu énormément d'étudiants qui avaient été, mais que finalement, c'était pas le cas. Il fallait remettre les pendules à l'heure, comme on dit. On a parlé avec Sébastien Rivière-Tête autour de son éditorial, mais on vous rappelle que c'est sur les droits de scolarité des étudiants internationaux et c'est en page 5 du Zone Campus. Ensuite, un MBA pour les étudiants à Hanoï en partenariat avec l'Université du commerce du Vietnam. Ben tout à fait. Dans le fond, si on s'inscrit au MBA, on pourra aller réaliser une partie de nos études à Hanoï. Ooh. C'est hot, hein? Oui, c'est cool. Fait que c'est ça. Bonne idée, ça. Ensuite, on reste en actualité. On a nos chroniques récurrentes, nos segments en deux pages, en fait, parce qu'il y a un nouveau segment. On commence par le premier qui revient depuis le début de la session. C'est celui qui s'appelle « La recherche à l'UQTR ». Privilégier les repas en famille pour le bien-être des jeunes. Oui, ben voilà, ça dit tout. C'est ça. Le nouveau là-dedans, c'est « Que sont-ils devenus? » On parle des diplômés ou encore juste anciens étudiants de l'UQTR. Qui sont passés par l'université, c'est ça. Fait que c'est des étudiants qui sont passés ici et à savoir que sont-ils devenus finalement, d'où le nom de la... C'est quand même bien nommé. C'est pas une chronique, c'est une section. Une section, un segment, un bout de page, un coin d'article. C'est ça. Et là, cette semaine, on parle de Hugo Bourdelais. Qui a étudié en études littéraires et qui a lancé deux recueils. Tout à fait. Qui en a lancé un et qui travaille sur le deuxième. Oui. Ensuite, on passe en société. Voilà pour les actualités. En société, on a, comme toujours, 5 chroniques. On commence avec Kevin Gaudreau et Entre les deux pôles. Oui, et là, pour les chroniques, je lis le début parce que je n'ai C'est leur mot. C'est leur mot à eux. Ouais. Kevin Gaudreau nous parle de la bipolarité. Parce que c'est un étudiant en psychologie, je pense, qui est au doctorat. Okay. Il nous renseigne toujours sur la psychologie. Donc, il y a différentes personnes connues, dont des politiciens, artistes, scientifiques, ont vécu la bipolarité. Toutefois, cette maladie n'atteint pas seulement que des gens célèbres, car elle touche environ 3 à 5 de la population au cours d'une vie. Ensuite, on a Nicolas Gauthier, et tout est bizarre, cette fois-ci, il parle de la guerre. La guerre est aussi vieille que l'humanité, Mathieu. Il est communément admis que le plus vieux métier du monde soit la prostitution, probablement, mais un autre métier se perd aussi dans les origines de la civilisation humaine, le chasseur. À l'âge des cavernes, la guerre était omniprésente, non seulement contre nos semblables, mais aussi contre la nature. Il fallait chasser pour manger et il était nécessaire de se défendre des prédateurs. C'était bien avant le triomphe de l'humain sur la nature, bien avant l'oisiveté et la condition humaine. Jadis ne se résumait qu'en la reproduction et l'acquisition de nourriture. La vie n'était que survie. Il est donc logique que le sexe et la violence soient des fondements de la condition humaine. Après ça, on a Normand Leclerc et changer la vie. Cette fois-ci, regarder la mort en face. Mais il nous parle de la mort parce que Dieu sait que le mois de novembre, c'est le mois des morts. C'est vrai, j'avais oublié. C'est sûr. Après le mois du rock, c'est le mois de mort. Ça va ensemble. Alors, il nous dit, je vous donne un aperçu du dialogue entre mon moi et mon je quand j'ai pensé rédiger une chronique sur la mort. Moi. Quoi? Tu penses pas sérieusement leur parler de la mort à une étape de leur vie où les jeunes se sentent immortels, invincibles? Parce qu'on se rappellera qu'il est à l'université du troisième âge, normalement. Son je répond, allez, ne sois pas bête, je te cite Épicure. Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à s'adonner à la philo. Quant à Montaigne, à la suite de Platon, il précisera « philosopher, c'est apprendre à mourir ». Fait que là, si je comprends bien, c'est Normand qui cite son jeu, qui cite Épicure, qui cite Platon. Oui, tout à fait. C'est un Inception. Un très beau dialogue intérieur. Mais c'est une réflexion sur la mort et comment notre vision de la mort peut influencer notre façon de vivre. Oui. Et on termine cette page-là avec Le Monde en question, avec Fabrice Sodequet et Sheila Gaudreau. Un monde créé ou issu d'une explosion. C'est la chronique religieuse. Oui, ben, peut-être que ça a un lien avec celle d'en haut. D'après moi, oui. Donc, bien qu'il s'agisse d'une question d'envergure, je pense qu'il vaut la peine de la traiter. Remettre en question des idées reçues peut faire peur. Pourtant, peu de gens s'en sont vraiment trouvés plus mal. On attend aussi plein d'histoires venant de certains scientifiques que finalement, on ne s'y retrouve plus. C'est, dans le fond... En tout cas, c'est encore toujours intéressant parce qu'il ramène Dieu... Je ne veux pas faire aucune propagande, mais il l'amène vraiment d'un point de vue que les universitaires se sentent quand même concernés. Puis c'est des questions qu'on se pose intrinsèquement, je dirais. Mais bon. Ouais. Et pour terminer Société, c'est Jean-François Veilleux, je me souviens au Pouvoir citoyen, et il nous fait un petit exposé sur la fluoration de l'eau parce que, d'après moi, il doit être contre, mais pas mal beaucoup. Oui, il est contre. Ouais. Ben, comme étant donné dit... la grandeur du caractère de non à la fluoration, lolo, c'est pas bien contre. Donc, l'été dernier, une nouvelle pétition a été lancée dans la région par Adam Garand afin de faire reculer le conseil municipal trifluvien. Plusieurs organismes, mouvements, certains dentistes et quelques commerçants de la région, dont les microbrasseries Le Gambrinus et Le Temps d'une pinte, ont donné leur appui à cette initiative. Bref, regard sur une mesure impopulaire mais encore trop peu connue. Qui est la plus ration de l'eau. Tout à fait. On passe en art et spectacle et on débute avec le ludique Philippe Braque qui était en ville à la salle Louis-Philippe Poisson Bloup Bloup. Bloup Bloup, oui, Philippe Braque qui n'a que 24 ans et qui est passé un passage à Trois-Rivières. Donc, Génial ça. Il y a tout plein d'autres articles, on en saute une tonne, mais on y va avec l'Alliance d'improvisation ludique qui est une nouvelle ligue d'improvisation qui performe les lundis soirs. Oui, ben nouvelle, pas si nouvelle, mais nouvellement arrivée au Manchester. Ah, ça existait avant, je ne sais pas au courant. Ben, je pense qu'ils faisaient ça au Centre Landry, ou je sais pas, je connais pas cet endroit, mais je sais que ça existe depuis un certain temps. Mais ils se sont comme renouvelés, puis tu sais, c'est comme un renouveau. Okay. Et là, c'est ça, ils sont rendus au Manchester les lundis soirs, en même temps que la Luître. Oui. Donc, le public doit choisir entre cette compétition féroce d'improvisateurs. Séparation des votes, comme on dit. Et c'est ça, on avait comme annoncé ça dans le journal, mais on n'avait pas été encore couvrir de match. Mmh. Donc là, on est allé couvrir un match. Oui, c'est bien, c'est bien. Il y a des étudiants de l'UQTR qui jouent dans cette ligue aussi. C'est vrai? Des gens qui ont participé au camp de recrutement de la Luit. Oui, c'est vrai, on en a vu qui étaient au camp. Ils sont à l'aile maintenant. Puis il y en a d'autres aussi d'anciens de la Lune, de ce que j'ai su. Puis il y en a du cégep aussi. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a toujours quelqu'un du public qui va jouer avec les joueurs à chaque fois. Ça peut donner quelque chose soir, de super à bon. Lundi soir. Oui. Quelque chose de super mauvais. On sait pas. On sait pas. Non, c'est très bien. C'est juste dommage qu'on puisse jamais y aller, nous, parce que notre loyauté est du côté de la lutte. Ben, tout à fait. Malheureusement. Mais non, je savais pas que ça existait depuis longtemps. Sinon, j'aurais dit que Caroline, là, ça existe depuis une sugousse. on passe maintenant à la Ligue d'improvisation mauricienne. On reste en impro. C'est l'ouverture de la 32e saison qui avait lieu le 14 octobre dernier. Ben, tout à fait, Mathieu Plante, mais la raison pour laquelle j'ai envie qu'on en parle ce matin, c'est que ce soir, il y a un événement spécial de la LIM, et j'avais envie que tu m'en parles, parce que c'est quelque chose que je connais plus ou moins, et là, hier, tu m'en as tellement parlé avec enthousiasme, conviction, que j'avais envie que tu expliques aux auditeurs ce que c'était, parce que ce soir, c'est le Whose LIM Is It Anyways, puis c'est tiré d'une émission que je ne connais pas, mais que je devrais connaître en tant qu'improvisatrice. Ben, c'est ce que je trouve. Je trouve qu'un joueur d'impro se doit de se taper plusieurs épisodes mais de Whose LIM. Mais c'est quoi cette émission-là? Explique. C'est une émission des années 90 à la base au Royaume-Uni et aux États-Unis. Une émission à sketch qui est animée aux États-Unis par Drew Carey, un humoriste célèbre américain. Et l'idée, c'est que tu as l'animateur derrière son pupitre et quatre improvisateurs sur des chaises qui vont venir tour à tour nommés par l'animateur. Est-ce que c'est les mêmes improvisateurs depuis 10 ans? Il y a des improvisateurs qui sont là depuis le début. Ryan Stiles, entre autres, et plusieurs autres. Wayne c'est seulement 4 joueurs, c'est ça? C'est 4 joueurs à la fois. Il y a plusieurs récurrents dans l'émission, mais évidemment, le Ouzlim, ça va être 4 personnes qui sont différentes à chaque année, même si je pense que Guillaume Chalgençon était là l'année passée dans la ligue de cette année. Je ne sais pas c'est qui les 4 joueurs. Je sais qu'il y a Andréane Tremblay, ouais, qui animait la Lutte feutrée cette semaine. Exactement. Guillaume Chalgençon et 2 autres personnes très sympathiques. Je pense, peut-être Laurence Gélina, puis un autre, je ne sais pas. Je me rappelle plus. Mais c'est pas grave, je sais que ça va être animé par Alex Drouin, vétéran de la LIM. Mais bref, l'émission en tant que telle, c'est tout le temps, t'as une variété de sketchs, peut-être une centaine de différents jeux qu'on peut jouer. Si, par exemple, plus des jeux. C'est plus des jeux. Ça ressemble, tu me demandais la différence entre la Luître et ça. C'est dans le même genre, sauf qu'à la place de donner, genre, je voudrais que ce soit des cowboys dans le Far West, mettons... comme thème, ça va être vous êtes 2 cowboys dans tel endroit et vous recevez telle affaire, puis il se passe telle affaire. C'est, on va te donner un carcan un petit peu plus pour faire le sketch pour que tu n'aies pas nécessairement à penser à ce que tu vas faire comme action, mais plus faire des blagues. T'sais. Donc, des fois, ça va être des notes qui vont être données par le public. Par exemple, bon, mettons, il y a le jeu Scène d'un chapeau où, genre, les gens vont donner des phrases toutes faites, ça va être mis dans un chapeau. Et puis là, l'animateur. Les gens du public. C'est ça, c'est marqué qu'on est appelé à être participatif, c'est on, comme si je suis dans l'hymne, mais je me sens vraiment comme un public. Tu vas venir. Aller voir. Et donc, il va y avoir une phrase qui va être tirée du chapeau. L'animateur va dire, bon, ben, vous devez faire un sketch sur, et là, il va lire la phrase. Ou des fois, peut-être, je sais pas, ils vont emprunter les sacoches du public. Puis là, ben, les improvisateurs vont faire des sketchs par rapport au truc qui est dans la sacoche. Donc, je veux pas qu'ils prennent ma sacoche. Non, mais il y a des tonnes de jeux. Allez voir sur Internet, Whose Line Is It Anyway, c'est super le fun. Tapez-vous un épisode pour vous mettre dans le moule. Je vais faire ça avant d'y aller. Faudrait, et venez ce soir 20h. C'est au temps d'une pinte au 2e étage. C'est un endroit spécial. L'année passée, c'était au Zenob. On a eu beaucoup de plaisir. Stéphanie et moi, on était là l'année passée. Pour Il faut dire que la LIM s'est d'ailleurs servi d'une citation de Mathieu Plante l'année passée pour promouvoir son événement ce soir. On dirait. Comme quoi, c'est l'événement à ne pas manquer. S'il y en a un à ne pas manquer pour la LIM, c'est ce soir. Selon Mathieu Plante, dans notre cas, du Mathieu Plante Show. Avec Mathieu Plan. Dans le cas, c'est vraiment ça. Je dirais que c'est le match de l'année que je ne veux pas manquer dorénavant. Et s'il pouvait y en avoir 2 ou 3 par année, ça ferait mon plaisir. Bon, ben la pub est faite. Voilà. Ouzlim Is It Anyway, ce soir, mardi 20h, autant d'une pinte. On a plusieurs chroniques. On va faire les 2 chroniques de ce panneau-là en premier. Je pense que ça va être plus simple. Commençons par Félix-Antoine Desilets-Rousseau et Dans les lunettes du frisé, qui nous parle de contes. Oui, ben il est allé assister à une soirée de contes vendredi le 24 octobre au Manoir Boucher de Niverville. C'était Maxime Plamondon. On avait couvert Marc-André Fortin, qui est conteur, dans le dernier numéro. Mais lui, c'est ça, il en a fait sa chronique. Puis je pense qu'il a étudié les contes dans sa maîtrise en littérature, fait que ça le touchait beaucoup. Mmh. Fait que je peux te lire son début, te donner la couleur de sa chronique. Au commencement, il y avait la parole. Par l'oralité, le quotidien prenait sens, image et vie sous les mots d'une personne bavarde dotée du don de l'éloquence. Bien assis dans une chaise berçante autour de la table de cuisine ou emmitouflé dans une couverture autour d'un feu de camp, cet orateur, voire ce conteur, tricotait ses histoires à même le matériel que sont les mots, puis il les soufflait comme le vent. De fil en aiguille, les histoires de diables, de feux follets et les loups-garous puisés au fond d'un camp de bûcherons ou d'une église se tissaient, captivant du coup un auditoire rassemblé autour de lui pour l'écouter et pour seulement passer le temps. C'était ça la soirée. Alors, c'était ça le bon vieux temps. Maintenant, depuis qu'on les remplace par des compteurs électroniques, là, ça marche pas. dans Mange l'IM, Camille Durand-Plourde nous parle de poésie du carnivore. Oui, elle nous parle d'un recueil qui s'appelle « Tailler les mammifères » de Catherine Poulain, qui est passée ici à l'QTR, et de Mathieu Simoneau. Donc, je vais vous lire son début. « Qu'on se le dise, chasser le chevreuil ou se geler les fesses en novembre, ça n'a vraiment rien de sexy. Ce sont pourtant ces thèmes centraux qui façonnent le recueil de poésie « Tailler les mammifères » dans lequel on retrouve un mélange de carcasses saignantes, de paysages hivernaux et de chasseurs barbus. Il suffisait de joindre la prose dérangeante de Catherine Poulain et les courts vers de Mathieu Simoneau pour me convaincre de l'univers saisissant du carnivore armé et des beautés de l'hiver québécois. Ah, et on essaie de mettre la couverture du livre maintenant pour que vous puissiez vous faire une petite idée. Ah oui, puis aussi, c'est qu'elle rajoute ses étoiles. Oui, 3 étoiles et demie. 3 étoiles et demie. On vient de voir de le punch. Ben oui. Mais c'est intéressant sa chronique. Camille Durand-Plourde, ben cette femme parfaite. On continue avec Alexandra Carignan et sa chronique La Lady Bimensuelle. Elle nous parle des Gibson Girls parce qu'avant les Kardashian, il y avait les Gibson. Tout à fait. S'il y a des femmes qui ont fait couler beaucoup d'encre ces dernières années, ce sont les plus que fameuses sœurs Kardashian. Est-ce que tu connais? Oui, malheureusement. Kim et autres. Là. Ouais. Vous me direz que ce n'est pas une bonne chose, puisqu'elles incarnent ce qu'il y a de plus superficiel chez nos voisins du Sud. Elles personnifient envers et contre tous l'idéal américain moderne, tant par leur style vestimentaire que par leur mode de vie. Hein? Les Kardashians ne sont cependant pas les premières à inspirer autant, puisqu'avant, il y avait Irène, Evelyn et Camille, les Gibson Girls. Ben oui, ben oui. Dernière chronique en arrêt spectacle, c'est le cinéma d'aujourd'hui avec Louis-Étienne Villeneuve qui nous critique les films La Fleur de l'âge et Le Dernier Diamant, tout en nous faisant aussi l'horaire du cinéma Tapis Rouge. Donc, allez voir ça. Tout à fait. Deux critiques de films à chaque numéro. On dirait qu'on ne parle pas bien, bien dans le spectacle aujourd'hui. On va directement au loisir où il y a À la confesse qui veut, la chronique d'Alexandre Laramezuki. Oh, mais j'ai peut-être un parti pris, mais parce qu'il est vraiment cute cette semaine. Okay. C'est, tu sais, là, à l'Halloween, on reçoit tout le temps plein de bonbons, tous plus intéressants que les uns que les autres. Ouais. Comme des fois, mon voisin d'en face, il me donnait des clémentines, puis c'était vraiment plate. Okay. Mais là, c'est un petit sac de pop-corn maison qui se confesse parce qu'il s'est fait écœurer par les autres bonbons d'Halloween. comme quoi, il était vraiment plate. Fait que. Ah, pour pop-corn. En fait, c'est dans les moins pires, je pense. Que si. Je dis à part de m'étouffer avec du popcorn. Ouais. On passe au sport. C'est vrai que c'est plat du popcorn. C'est plat. Ça, maison, tu sais, emballé dans un sac. Bon, c'est sûr. On va en sport, tiens. On va parler de cross-country. C'était le. En fait, c'était pas. Je crois que ce sera. En tout cas, peu importe. C'était, mais c'était le championnat provincial universitaire et c'est M. Stéphane Saint-Martin qui s'est couvert d'argent. Mais Stéphane Saint-Martin, on en parle beaucoup ces temps-ci parce qu'ils ont fait un très bon coup en recrutant ce cross-country-er. Ce cross-country. Non, mais c'était le championnat provincial de cross-country en fin de semaine à Grand-Mère. Puis il a gagné la deuxième place. Je pense que la première, c'était Université Laval qui l'a eu. Et voilà, puis du côté des filles, il y a Sarah Bergeron-Larouche, que je pense qui est arrivée première l'année passée. Et aussi, on en parle beaucoup dans le journal. Oui, ben écoute, c'est de bons athlètes, tant mieux si on le souligne. Mais bon, un cross-contrador. C'est elle qui avait gagné l'année passée, mais là, elle a été cinquième cette année. Ah bon, moins bon, mais quand même... Ben, on parle que le calibre de cross-country a beaucoup augmenté. OK. C'est ça. Oui. Le 23e salon des vins, bières et spiritueux, oui, on a l'impression que c'est tard parce que ça fait mais vraiment longtemps que ça a lieu. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que la conférence de presse de bilan s'est faite comme deux semaines après l'événement. Genre. Aucun rapport. Mais tout ça pour dire qu'ils ont ramassé 43 500 $. Wow. En un soir. On s'entend-tu qu'il y a du monde qui sont allés à cet événement? Ça s'est saoulé fort ce soir-là, je pense. Il y a eu 1323 visiteurs. Fait que c'est un bilan, là. C'est le vrai bilan là, du 23e salon des vins. Génial. Bon, ensuite, on va en soccer. Une bonne fin de saison, malgré tout. C'est terminé pour le soccer, déjà. N'est-ce pas? Oui, c'est terminé. Ben là, dans le fond, on a Marie-Philippe Bibeau qui nous parle des derniers matchs de soccer masculin. Mesquite, je pense. Soccer masculin et féminin. Des matchs du 24 octobre et 26 octobre. Mm-hmm. On a parlé de cross-country. Tantôt, une autre sorte de cross, hein, c'est la crosse. Juste le sport de la crosse avec l'attraper dans un filet. Oui. Au champ. Cross mais au champ, à l'UQTR. J'avais entendu parler de ça. Puis même, j'avais vu une espèce de pratique. Là, parce que tu sais, la crosse, c'est comme un genre de... Oh, pardon. Un genre de bâton, de bâton à filet. Avec un enfant au bout, là, un filet. C'est ça. Moi, j'appelle ça un filet, mais je sais pas comment ça s'appelle techniquement. Mais ça m'intriguait, ça, qu'il y avait ça ici à l'UQTR, mais ils font quand même des compétitions puis tout ça, mais c'est pas, ça fait pas partie du réseau RSEQ, là. RSEQ. RSEQ, le réseau professionnel. Mais il y a quand même une équipe de cross au champ ici qui représente la Ligue universitaire de cross au champ du Québec. Fait qu'ils jouent contre d'autres universités puis tout ça, mais c'est pas dans le RSEQ. C'est juste pas officiellement et tout ça. Il y aura pas de grosse banderole du RSEQ à la fin. C'est ça. On dit que c'est un sport qui est en émergence. Fait que peut-être qu'ils vont faire partie du réseau éventuellement. Ah, quand j'essaye vraiment de pas faire de blagues sur la crosse et le fait que c'est en émergence. Veux, j'ai de la misère à me retenir. C'est comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est ça. J'ai envie d'appeler le filet de glace. Donc, c'était la crosse au champ dont on parlait en sport. Merci Myriam Lorty. On retrouve le Zone Campus en kiosque du 28 octobre au 10 novembre 2014. C'est le volume 10, numéro 5, sur ce malaise. Je te remercie. Je te retrouve dans deux semaines. Ou ce soir à Who's Limits It Anyways. Bien sûr, il va y avoir tout plein de gags déplacés comme ça parce qu'on ne sortira pas trop longtemps. Est-ce que je peux terminer en disant que les Bleus ont remporté le match de la Luitre hier contre les Verts? Je préférais que non.

Mais on va être de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30 à 11h aujourd'hui. Restez là pour le dîner de con avec Danny Janvier. En après-midi, je serai de retour pour le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante à 13h à 15h. Je vais pas dire que la ligne était pâle. À 15h, c'est Rock Classique avec Alain Lefebvre, 19h réanimation, 21h progression chaotique, sifu.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. On remercie Sébastien Evgertin. Oui. On remercie Sébastien Hainaut du Bac Vert. Oui, Myriam Lortie. Toi, Stéphanie Paradis. Ah, c'est vrai. Puis moi là-dedans. Ah oui, Mathieu Plante. Merci, Mathieu Plante. Même moi. Oui, toi! Parlant de gag qu'on fait depuis un an, ça, c'est un gag qui venait de Ouzlim et ça a lieu ce soir 20h au Temps de Pain. C'est un running gag entre toi et moi. Que personne d'autre comprend. Non, puis on est tellement fiers de le plugger parce qu'on trouve ça encore drôle un an après, fait que vous pouvez pas manquer ça ce soir. À demain. Même moi?